Élégance, cadeau de haut standing. Frankie Couture, amène ça. Kex O. na wa pula bana sécurité monye so we mumi ya joli le com de bala tete na sima fula pe me muta jomba e ba mona bani nika no pamba memba di bumwa na wa pula bana sécurité monye so we mumi. La meilleure petite est celle qui libère. Allez!